France Musique. Merci Nathalie Piollet, on vous retrouve dimanche prochain à 10h pour Banzai sur France Musique. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the problem. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Bonjour à tous et bienvenue au studio 106 de Radio France pour un nouveau numéro de Cabaret 42e rue. Alors voilà, après Leonard Bernstein et West Side Story, après Richard Rodgers et La Mélodie du Bonheur, après Stephen Sondheim, le Théâtre du Châtelet honore un autre grand compositeur de l'âge d'or de la comédie musicale et d'Hollywood, Cole Porter. On connaît tous sa chanson « Night and Day » popularisée par Fred Astaire et Frank Sinatra. On connaît sa chanson « I Love Paris ». Eh bien, en 1948, Cole Porter a 57 ans. On le croit fini, il vient de connaître plusieurs échecs d'affilée. Voilà qu'il accouche d'une farce impayable et bien sûr musicale qui sera son plus grand succès à Broadway. « Kiss Me, Kate » sera joué plus de 1000 fois durant plus de 2 ans et demi avant d'être adapté au cinéma, de partir en tournée aux États-Unis, de s'installer pour un an à Londres. Eh bien, « Kiss Me, Kate » est présenté dans une nouvelle production à partir de mercredi au Théâtre du Châtelet. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir une bonne partie de la troupe. Alors, je vous demande d'accueillir, en ce dimanche matin, Francesca Jackson, Alan Burkitt, David Pitzinger et Jasmine Roy, qui ouvre ce cabaret 42e rue par une des chansons typiques de Broadway. C'est une Valentine, on va dire, au métier du théâtre. Ça s'intitule « Another Opening, Another Show ». En français, je traduirais par « Un autre lever de rideau, une autre représentation ». Et ce qu'elle chante, Jasmine, dans le rôle de Hattie, l'habilleuse de l'héroïne, c'est que nous avons 4 semaines pour répéter et répéter. C'est Charlotte Gauthier qui accompagne Jasmine Roy au piano sur la 42e rue de France Musique. Another show in Philly, Boston, or Baltimore. A chance for stage folks to say hello. Another opening of another show. Another job that you hope at last will make your future forget your past. Another pain where the ulcers grow. Another opening of another show. 4 weeks you rehearse and rehearse. 3 weeks and it couldn't be. Your fingers and hold your heart. It's curtain time and away we go. Another opening of another show. 4 weeks you rehearse and rehearse. 3 weeks and it couldn't be worse. 1 week will it ever be right? Then out of the hat it's that big first night. The overture is about to start. You cross your fingers. Bonjour Jasmine Roy. Bonjour Laurent Vallière. Merci d'être à nouveau sur la 42e rue. On a un très bon souvenir de notre venue lorsque vous jouiez dans les parapluies de Cherbourg. Ah oui, le rôle de la vieille dame en chaise roulante. Là, le Châtelet me permet de marcher et de danser cette fois-ci. C'est assez sympathique. Jasmine, vous êtes coach, vous êtes professeur de chant, vous êtes comédienne. Je vous ai vu d'ailleurs l'an dernier dans un spectacle hommage à Burt Bacharach. C'était dans un théâtre à Boulogne. Alors, c'est vous qui ouvrez ce spectacle, Kiss Me Kate, avec cette chanson. Comment on pourrait présenter Kiss Me Kate à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de cette comédie musicale ni de ce film? Bah écoutez, vous l'avez très bien fait. C'est vrai que c'est un des plus grands succès de Cole Porter. Le seul spectacle de Cole Porter d'ailleurs qui a remporté un Tony à New York, aux États-Unis. C'est un mélange, c'est un show de backstage en fait. C'est l'histoire des coulisses. On a une relation très compliquée entre les deux personnages principaux qui se retrouvent après un divorce pour jouer dans le même spectacle. Spectacle qui est une comédie musicale autour de la mégère apprivoisée de Shakespeare. Donc voilà, on a des parties shakespeariennes, on a des parties de coulisses et tout ça sur la musique de Cole Porter. Et ça donne de jolis quiproquos, mais ça donne une dimension aussi comique et assez différente des comédies musicales qu'on est habitué de voir au Châtelet. C'est Lee Blakely qui met en scène cette comédie musicale. Elle a été créée en 1948, mais je crois qu'il a modifié pas mal de choses. Est-ce que vous pourriez, par exemple, nous dire comment vous êtes habillée sur scène? Parce que je crois que vous qui interprétez l'habilleuse de la star, Lily, normalement, c'est une, on va dire, c'est comme une bonne noire dans les vieux films américains. Et là, c'est pas du tout le principe qu'il a choisi. En fait, Lee respecte totalement l'œuvre de Cole Porter. On est toujours en 1948, mais il a des partis pris, notamment à propos du rôle de Hattie, qui devient une espèce de Marlène Dietrich un peu froide envers tous les comédiens. Je suis habillée avec des costumes Dior et Chanel de 1948, c'est exceptionnel, c'est très glamour. Et en fait, elle adore Lily, dont elle est l'habilleuse, mais elle aime pas tous les comédiens et les chanteurs qui finalement l'enquiquinent un tout petit peu. Voilà, elle a un parti pris assez détaché et assez ironique, et a beaucoup de recul, parce que Another Opening, Another Show à l'origine, c'est chanté avec beaucoup d'entrain et d'enthousiasme. Là, elle en a un peu marre des spectacles et des ouvertures de spectacles. Alors on va maintenant découvrir le héros de l'affaire. Il s'appelle Fred, c'est un acteur. C'est un directeur de troupe, il vient de planter ses valises au Ford Theatre de Baltimore en 1948. Et il a donc 4 semaines pour répéter une version musicale de La Mégère apprivoisée de Shakespeare. Et il fête ce jour même son premier anniversaire de divorce avec une femme dont il est visiblement amoureux. Enfin, je voulais juger, c'est David Pitzinger qui interprète Fred, accompagné au piano par Charlotte Gautier. So in love. Strange dear, but true dear, when I'm close to you dear, the stars fill the sky, so in love with you am I. So Bonjour David Pitzinger. Bonjour. Comment vous faites pour avoir une voix comme ça? C'est incroyable. Vous êtes né avec? J'ai pas de réponse pour ça. Merci d'être avec nous sur la 42e rue de France Musique. Vous êtes américain, vous êtes baryton basse. Vous chantez dans des opéras classiques, Mozart, Puccini, Gounod. Vous chantez dans des opéras modernes, Philip Glass, Benjamin Britten. Mais vous ne dédaignez pas apparaître dans des comédies musicales. On vous a vu dans un autre rôle de baryton basse, c'était South Pacific de Richard Rodgers. On vous a vu dans Sweeney Todd de Stephen Sondheim. Est-ce que c'est votre premier colporteur? Oui, oui, de colporteur, oui. Colporteur, c'est différent de chanter du colporteur par rapport à du Oscar Hammerstein, Richard Rodgers, Stephen Sondheim. It's very different because effectivement, c'est très différent. This piece is it's episodic. Episodic in the sense that il y a plein d'épisodes, c'est-à-dire, je m'explique. Some of the music is set. La musique, par exemple, Fred, est présentée et vous êtes, Fred. Par exemple, en train d'interpréter Fred qui est en coulisses. And the other is Petruchio. Et puis il y a Petruchio. Fred playing Petruchio. C'est-à-dire que Fred qui interprète le rôle de Petruchio. C'est la musique de Cole Porter avec des paroles qui sont les paroles and de Shakespeare. So there's so many levels. Alors il y a tellement de superpositions de niveaux dans l'interprétation. You're not just playing que vous ne jouez pas simplement un seul personnage. Show, c'est une représentation dans une même représentation, and dans so une même your, représentation. Your offstage, onstage donc life. Vous êtes there's sur scène en même temps, vous êtes en coulisses, David. Et toute la partie there's qui est en coulisses. Offstage, onstage, alors vous êtes David, onstage, mais en même temps vous êtes sur scène, onstage, mais vous n'êtes pas sur scène, vous êtes hors life. Scène, en coulisses, enfin bref, c'est un grand mélange. So it is complicated. C'est assez compliqué et c'est bien plus compliqué que d'interpréter une comédie musicale toute simple. Et puis les paroles sont, est-ce qu'on peut dire elles sont salaces, les paroles que vous chantez parfois? Sometimes. Oui, parfois. Sometimes. Peut-on avoir un petit exemple? Oh là, je vais réfléchir un peu. D'accord. Pour mais pourquoi vous dites que c'est salace? Oui, c'est salace. Je suis désolée, mais c'est pas les paroles, parce que c'est pas les paroles Jasmine qui sont Roy. Salaces, c'est le deuxième degré qu'il y a dans oui, ces paroles qui peut le c'est devenir. C'est vrai, deuxième degré, c'est différent. Cole Porter a écrit des choses effectivement très coquines, mais il faut lire entre les lignes pour aller les trouver, donc même si on vous fait les paroles là, voilà, faut imaginer un tout petit peu ce qui se cache derrière le texte. Par exemple, Fred Graham n'est pas un lotario. A sort of oui, a sexual beast. Ce n'est pas un animal sexuel ou une bête sexuelle, yeah. Hein, vous dire. Ce n'est pas un prédateur, voilà. Voilà. Yeah, exactly. Alors, comment vous rentrez dans le personnage? Vous écoutez les enregistrements, vous regardez le film. C'est ça. C'est effectivement, c'est un personnage complexe, ce personnage-là. Oui. The work is very has been very difficult because there are so le travail many effectivement a été très difficile parce qu'il y a eu d'autres interprétations qui ont été excellentes. De ce personnage, de ce rôle. Et au final, il s'agit de, pour chacun, de trouver les qualités les plus vraies, les plus proches, qui correspondent à chacun des niveaux d'interprétation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me présente à la répétition, je trouve un nouveau niveau de lecture. Et je peux réinterpréter une chanson alors que c'est la deuxième, troisième fois que je la chante. Et je trouve un nouveau niveau. But it is difficult because alors, those that came before, parce like the great, ceux qui ont interprété ce rôle avant moi, comme Alfred Drake, ce sont des gens qui ont vraiment donné leur touche et qui ont donné une définition et une façon de d'interpréter et de le mener. The actual show même Kiel is au cinéma et même le spectacle n'a rien à voir. Le film n'a rien à voir avec l'interprétation sur scène, la comédie musicale. Il y a des scènes qui ont été ajoutées, certaines des scènes de Shakespeare ne sont pas reprises. Parce qu'évidemment, on le sait, c'est une version de La Mégère apprivoisée et ce n'est pas une réplique exacte de l'œuvre de Shakespeare. Alors, vous retrouvez ce jour-là, de 1948, au théâtre, celle qui était votre épouse. Elle s'appelle Lily. Elle est là pour interpréter un personnage dans la pièce de Shakespeare qui sera Kate. Au Châtelet, Lily et Kate sont interprétées par Christine Buffle. Et au cinéma, c'est Catherine Gresson qui jouait cette femme rebelle. Une des chansons les plus impressionnantes sur scène est sa déclaration de haine. Je hais les hommes. I can't abide them even now and then ever marry one of them, I'd rest a maiden rather. For husbands are a boring lot and only give you bother. Of course, I'm awfully glad that mother deigned to marry father. But I hate men. Of all the types I've ever met within our democracy, I hate the most the athlete with his manner bold and brassy. He may have hair upon his chest, but sister, so has Lassie. Oh, I hate men. I hate men. They should be kept like piggies in a pen. When a traveling salesman, though a tempting Tom he may be, for on your wedding night he may be off to far Arabia. While he's away in Mandalay, 'tis thee who'll have the baby. Oh, I hate men. If thou shouldst wed a businessman, be wary, oh, be wary. He'll tell you he's detained in town on business necessary. His business is the business with his pretty secretary. Oh, I hate men. Play the hen. If you espouse an older man through girlish optimism, he'll always stay at home at night and make no criticism. Though you may call it love, the doctors call it rheumatism. Oh, I hate men. From all I've read alone in bed, from A to Z about them, since love is blind, then from the mind all womankind should rout them. But ladies, you must answer to, what would we do without them? Still I hate I Hate Men, extrait du film de 1953, Catherine Grayson. Il faut tomber amoureux d'une femme pareille. Alors au Châtelet, c'est Christine Buffle qui interprète ce personnage. Bonjour Christine Buffle. Bonjour Laurent Vallière. Alors ravi de vous revoir, un mois après le concert que vous nous avez offert il y a un mois sur la 42e rue à France Musique autour de Leonard Bernstein. Vous êtes tête d'affiche dans Kiss Me Kate, actuellement au Châtelet, ou plutôt à partir du 3 février. Qui interprétez-vous ? J'interprète Lily Vanassi et Kate. Kate Minola, c'est un double rôle, donc c'est le rôle de l'actrice hollywoodienne Lily Vanassi, qui, elle, joue le rôle shakespearien de Kate Minola dans La Mégère apprivoisée. Les deux personnages qui s'aiment à la vie, qui s'aiment et qui se déchirent et qui se retrouvent et qui se déchirent, c'est Fred et Lily. Lily est une actrice hollywoodienne qui a débuté en même temps que Fred, on pense, c'est notre histoire. On a débuté ensemble dans les petites productions, voilà. Et la carrière de Lily s'est envolée. Elle est partie pour Hollywood alors que Fred était plutôt un acteur de théâtre. Enfin, c'est en tout cas le parti pris qu'on a choisi. Et donc, elle revient, bon, peut-être que comme dans les années 40, 50, les actrices étaient prises par des studios, vraiment leur vie était gérée par les grands studios hollywoodiens, et puis si un film marchait pas, ben on les laissait tomber. Et donc on se dit qu'elle revient faire ce spectacle à Baltimore, c'est un peu la banlieue par rapport à New York Broadway. Et donc elle revient un peu par affection pour son ex, et un peu parce que bon, bah, sa carrière peut-être, sait-on, ne marche pas si bien que ça, ou ne marche plus. Fred, ça n'a jamais vraiment bien marché, enfin il fait ce qu'il peut, il fait des cachetons à droite à gauche. Et donc elle revient par amour pour lui, et aussi un petit peu, je pense, avec l'espoir d'éventuellement que ça pourrait remarcher avec lui. Enfin, et dès qu'elle se retrouve là, elle se rend compte que ça ne va pas du tout. C'est une meilleure actrice à la base. Ça, Fred nous le fait bien sentir aussi. Je les compare un petit peu au couple Liz Taylor et Richard Burton. D'ailleurs, il y a une situation très semblable. Quand Liz Taylor et Richard Burton ont rejoué ensemble des années après leur, je ne sais plus combien, deuxième, troisième divorce, je ne sais plus combien de fois ils étaient mariés, divorcés, ils ont fait Private Lives à Broadway, je crois que ça devait être dans les années 60. Et c'est assez ça, cette histoire. Et on les voit se chamailler backstage. Et c'est vraiment très humain. En même temps, il y a ce faste hollywoodien, ce faste de Broadway avec le backstage, les danses, la totale. Et en même temps, c'est très humain. C'est ce qui arrive tous les jours. Pas nécessairement dans le monde du théâtre, mais voilà, on est au théâtre. C'est assez physique, comme vous allez voir. C'est un rôle très, très, très complet. Physiquement extrêmement complet, parce qu'on a beaucoup de farce en scène. On a des décors imposant. Bon, la danse c'est une autre chose, mais il y a beaucoup beaucoup de challenges physiques justement. Vous avez l'air fatiguée. J'ai des bleus partout, voilà. Voilà, ça va résumer la chose. Il y a des scènes de bataille, je ne vais pas en dire plus, hein, mais c'est des scènes de ménage, un peu. Voilà, des scènes de ménage très physiques. Et maintenant quelque chose de très physique aussi, des claquettes. Parce que comme dans toute bonne comédie musicale de Broadway, il y a deux couples dans Kiss Me, Kate. Alors nous avons rencontré le premier, on les appellera les divorcés. Voici maintenant les jeunes promis. Lui s'appelle Bill. Alors il a beaucoup de qualités, il est beau, il sait danser des claquettes, mais il a un vice, le jeu. Et il a mis la compagnie en péril, d'ailleurs en signant une reconnaissance de dette au nom du patron, donc de Fred, et la mafia viendra à leur trousse. Mais ça n'empêche pas Bill de danser lorsqu'il pense à sa dulcinée, qui, comme vous le comprendrez assez vite, en écoutant les paroles, se nomme Bianca. C'est Alan Burkitt qui interprète Bill sur la 42e rue de France Musique en live au studio 106. Sweet Bianca, while rehearsing with Bianca, she's a darling I adore. Off stage I found she's been around, but I still love her more and more. So I've written her a love song, though I'm just an amateur. I'll sing it through for all of you to see if it's worthy of her. Are you listening? Bianca, Bianca, oh baby, will you be mine? Bianca, Bianca, you better answer yes or Papa Spanka to win you, Bianca. There's nothing I would not do. I would gladly give up coffee for Sanka, even Sanka, Bianca, for you. Thank you. Bonjour Alan Burkitt. Bonjour. Vous ferez ça tous les soirs au Théâtre du Châtelet? At the moment, we're in rehearsal. Pour l'instant, ce sont les répétitions. So long days, and then we do 10 shows. Les journées sont très longues, puis ensuite il y aura 10 représentations. We're loving it. Et c'est love tout. Being in Paris. Nous adorons le spectacle. C'est un plaisir d'être à Paris et nous passons un très bon moment. Alors tout le monde me dit au Châtelet que s'il y a autant de claquettes dans Kiss Me Kate, parce qu'il n'y en avait pas comme ça à Broadway, c'est grâce ou à cause de vous. C'est vrai? Not thanks to me. Non, ce n'est pas grâce à moi. We have an amazing choreographer, Nick Winston. C'est vrai que nous avons Nick Winston qui est notre Nick chorégraphe. Nick was actually in Kiss Me Kate. The last time it was excellent, in the West End in London. Auparavant, il a travaillé au West End, Grémio, à Londres. Il a joué avec un des Boys de Tilly Harry. And I think that shows what he's done. Et ce qu'il a fait précédemment était impressionnant, mais ce qu'il fait maintenant, c'est fantastique parce qu'il apporte une véritable fraîcheur. C'est tout à fait spectaculaire parce que la scène est très impressionnante. Où est-ce que vous avez appris à danser? When I was five, I started. À l'âge de 5 ans, j'ai commencé. Didn't stop jigging around the house. Et c'est vrai que je sautais partout dans la maison. My mom je faisais des claquettes partout dans la maison. Et ma mère a fini par m'inscrire à un cours de danse. Mon père était complètement horrifié, bien évidemment. Can't stop now. Et maintenant, je ne peux plus m'arrêter. In the G20. Vous voyez, c'est comme ça, 24 heures sur 24, voilà, toute la journée, je suis comme ça. I'm a bit. Voilà. C'est imparable. Vous pouvez m'apprendre? Oh, come on. Oh, allez, step. Allez, commencez. Premier pas. Little... On va faire quelque chose de facile. Forward, vous voir. Comme ça. Back, devant, back, derrière, step. Derrière. Et so le pas. Brush it. Alors d'abord, to explain to the listener because they're not il faudrait here. Expliquer à ceux so, qui nous écoutent parce qu'ils ne sont pas avec what nous. You're doing with your feet. Vous pouvez décrire ce que vous faites avec dancing, vos pieds. It's all in the alors, ankles. La claquette, so, c'est tout sur les, vous voyez, c'est like tout that. Sur les angles. You've got to try and vous utilisez isolate toute la jambe, ankle, vous utilisez juste la cheville, vous voyez, c'est la cheville. Donc, flick, alors il faut avoir ce mouvement-là, back, hein, vous voyez, devant, derrière, et puis on change comme ça. On se retrouve. Donc alors on fait ensemble, vous me suivez. 1, 2, je lance en arrière, en avant, et voilà, je change. Voilà, vous avez l'impression que vous boitez là, vous boitez, hein. Vous boitez sur cette jambe, donc vous retombez sur cette jambe, voyez. Je crois que je vais avoir beaucoup de travail. It's great. Some days you wake non, up vous inquiétez pas, like, oh, un jour, vous vous réveillerez et vous direz, bon, j'ai love, mal, mais finalement, vous faites ce que vous aimez, et vous travaillez avec ces gens horribles, ces autres comédiens qui vous entourent. Et, it's all good fun, we non, love non, it. On s'amuse beaucoup. Je dois dire que Alan Burkitt, je vous ai vu à Londres parce que vous étiez Fred Astaire dans l'adaptation en comédie musicale de Top Hat. Et j'ai jamais vu ça. Je crois que vous étiez sur scène pendant 2h30. Je sais pas comment vous avez fait. Yes, full on. And oui, c'était long. It was a dream job. And c'est tout à fait un rêve. I know I'm still. I look like a beanpole now, but I was a beanpole then. Because you were in these three-piece wool suits. À l'époque, vous savez, j'avais très chaud et j'avais tapping and doing ballroom and ce costume yes, tout le temps à faire des claquettes. Oui. Like et c'est vrai que j'étais toujours coincé dans ce costume. Et parfois, il y avait deux spectacles le mercredi. Dream job. Enfin, c'était complètement fantastique pour moi. C'était vraiment un rêve devenu réalité. On va découvrir votre petite amie. Alors, votre petite amie se nomme Bianca. Elle est interprétée par une comédienne qu'on a eu le plaisir de voir au Théâtre du Châtelet. Rappelez-vous, il y a 2 ans, ou il y a 1 an, elle interprétait le petit chaperon rouge dans Into the Wood de Stephen Sondheim. Elle a un sacré caractère, vous allez l'entendre. Francesca Jackson, une jeune femme jeune, mais pas très fidèle. Enfin, fidèle à sa façon. Why can't you behave? Oh, why can't you behave? How in hell can you be jealous when you know, baby, I'm your slave? I'm just mad for you, and I'll always be. But naturally, if a custom tailored vet asks me out for something wet, when the vet begins to pet, I cry hooray. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. I enjoy a tender pass from the boss of Boston, Mass. Though his pass is middle class and not back pay. I'm always true to you, darling, in my way. There's a madman known as Mac who is planning to attack. If his mad attack means a Cadillac, okay. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. I always have a meal with a big tycoon in steel. If the meal includes a deal, accept I may. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. I could never curl my lip to a dazzling diamond clip. Though the clip meant to let her rip, I'd not say nay. True to you, darling, in my way. There's an oil man known as Tex who is keen to give me checks. Those checks, I fear, mean that sex is here to stay. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Francesca Jackson, always true to you in my own fashion, en live sur la 42e rue de France Musique. Bonjour Francesca. Hello, bonjour. Vous interprétez donc Bianca, la petite jeune de la troupe. Alors, j'ai demandé à Lee Blakely, le metteur en scène, pourquoi, à son avis, ce spectacle est celui de Cole Porter qui a connu le plus de succès. Écoutez ce que m'a répondu Lee Blakely. Well, it's got great tunes. Alors d'abord, it's a fun story. Les chansons sont magnifiques, l'histoire est très bien ficelée, bon personnage, il y a une histoire d'amour, en fait deux histoires d'amour au centre de l'histoire. Il y a des personnages pleins d'ambition qui essaient de lancer leur carrière. Lois and Bill, and you get the difference between the people who've been doing it for years, which are Lily and Fred, and the people leur carrière bien installée depuis des années, c'est Lily et Fred, et les autres qui débutent, donc Lois et Bill, et puis tout l'ensemble. Et nous avons ajouté beaucoup de danse dans ce spectacle. Donc, plus de danse que dans d'autres productions que vous avez pu voir précédemment. Qu'est-ce que vous en pensez, Francesca Jackson? Votre couple est le pendant de l'autre couple? Yeah, I think the relationship between Bill and effectivement la relation entre Lois, la relation amoureuse entre Bill et is extremely Lois, different. We're very much in love. Very much très in love, amoureux. And they both très, have très amoureux. A great heart. Et but some, I think Lois is desperate to become a star, and her mais in her past cette ambition, she has tried anything elle veut vraiment devenir une star, using her et donc ways, et pour arriver à ses fins, elle est prête à donner de sa personne, on va dire ça, pour trouver le succès that, et l'argent dont elle a besoin. Way, mais en même temps, d'une certaine façon, elle reste fidèle à Bill, une façon tout à fait particulière et qui est sienne. Mais elle revient toujours vers lui. Et Bill a ses problèmes, comme vous avez dit, il a des problèmes de jeu, des joueurs. Et c'est vrai qu'il a perdu beaucoup d'argent, notamment tout l'argent qu'il a gagné au sein de sa carrière. Mais en même temps, il reste très proche, très fidèle à Lois, et je dirais que c'est un couple très fort. Alors, pour rentrer dans le personnage, vous avez fait quoi? C'est une comédie musicale que vous aviez vue plusieurs fois sur scène, ou est-ce que vous avez regardé le film? I've seen the movie. Oui, effectivement, j'ai vu le film. J'ai vu une grosse version de la Mégère apprivoisée. Il y a une version, par exemple, de Kiss Me Kate qui a été donnée au Proms à Londres, que j'ai pu voir aussi. Et c'est vrai, lorsqu'on est sur scène et que Lee Blakely est là, il nous dit oubliez tout lors des répétitions. On part de rien. Et tout ce que j'ai fait avec Lee Blakely à chaque fois, il aime que chacun trouve son rôle et de manière tout à fait individuelle. Il n'aime pas du tout qu'il y ait une répétition, une copie de ce qui a été fait précédemment. Alors pour vous, c'est une peste quand même, ce personnage ? Il vous a donné des directions, Lee Blakely? For me, she was fantastic to play. I mean, last time when I was at the Chateau, enfin, là, c'était déjà une œuvre fantastique. Avant, quand j'étais avec le petit chaperon rouge, j'étais très innocente dans ce rôle, vous voyez. Et j'essayais de trouver mon chemin dans le monde. Et là, je suis une femme qui connaît son monde, sait où elle va. Elle sait utiliser ses atouts, son corps. C'est vraiment très intéressant de jouer un rôle totalement différent comme ça. Vous jouez à Londres souvent, Francesca. Tout récemment, vous étiez encore dans une comédie musicale qui n'a rien à voir sur la vie de Dusty Springfield. D'où est venu votre goût pour la comédie musicale? I've been doing musicals since I was 5. C'est vrai que well, les like comédies said, since I was musicales, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, un peu comme Alan. Alors évidemment, j'ai pas vraiment amélioré mon style de danse, mais c'est vrai que j'ai toujours fait ça. Mais j'ai continué à chanter, à être actrice, ça a toujours fait partie de ma vie. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance de pouvoir en vivre et d'avoir suivi une formation à Londres et de pouvoir jouer sur le West End, ce qui est quand même une véritable chance. Et c'est vrai que je travaille depuis longtemps, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et quels sont les rôles qui vous ont le plus marqué parmi tous ceux que vous avez interprétés jusqu'à présent? Ooh, that's a very good question. Difficile. Either Little Red Riding Hood in Into the Woods, petit chaperon rouge, or Petra. Ou Petra. Way, way back when, in Little Night Music. I really enjoyed that role. Non, le Little Night Music. Au Théâtre du Châtelet. Yes. À Londres, on ne vous propose pas des rôles qui vous intéressent. À Londres, oui, Londres. In London, it would oui. be... Londres, it was a musical c'est... called Million Dollar Quartet. Qui s'appelait Million Dollar Quartet. Diane, et je jouais le rôle de Diana, qui est la petite amie d'Elvis Presley, qui serait... qui était mon rôle favori. C'est vrai que j'avais des chansons très sexy comme Fever. Enfin, c'était un beau moment. Alors vous dites que c'est pas une peste ou peut-être que c'est une peste de votre personnage. En tout cas, voici un des moments les plus drôles du spectacle. C'est lorsque Loïs, qui interprète Bianca dans La Mégère apprivoisée de Shakespeare, eh bien, se fait un peu draguer par beaucoup de garçons. Et la chanson s'intitule Dick, Tom and Harry. Voici la version par le London Sinfonietta, dirigée par John McLean. I've made a hole in all the leading rackets from which with roaring rich I happen to be. And if thou wouldst attain the upper brackets, marry me, marry me, marry me. My purse has yet to know a silver lining. Still lifeless is my wifeless family tree. But if for love unending thou art pining, marry me, marry me, marry me. I come to thee a thoroughbred patrician, still spraying my decaying family tree, to give a social goose to thy position. Marry me, marry me, marry me, marry me, marry me, marry me, marry me. Tom, I'm a maid, mad to marry, and will take double quick any Tom, Dick or Harry, any Tom, Harry or Dick. I'm the man thou shouldst marry. Howdy, Pop. Howdy, Mum. I'm the man thou shouldst marry. Art thou Harry, Dick or Tom? I'm the maid thou shouldst marry. Howdy, pal. Howdy, Chick. Art thou Tom, Dick or Harry? Call me Tom, Harry or Dick. She's a maid who would marry and would no longer tarry. She's a maid who would marry, may her hopes not miscarry. She's a maid mad to marry and will take double quick any Tom, Dick, or Harry. I'm a maid who would marry and would no longer tarry. I'm a maid who would marry, may my hopes not miscarry. I'm a maid mad to marry and will take. Un enregistrement de Kiss Me Kate par le London Sinfonietta avec David Gaines, George Dvorsky, John Mark Ainsley et Kim Criswell. Et cette chanson, Tom, Dick and Harry. Retour au studio 106, en live, sur la 42e rue de France Musique, avec le héros de l'histoire, Fred. Alors dans Kiss Me Kate, David Pitzinger nous en parlait dans un instant, Cole Porter mélange les styles musicaux et les phrases. Il y a des sous-entendus donc à la Cole Porter. Et puis, il y a aussi des paroles signées Shakespeare qu'il met en musique lorsque les personnages de la mégère apprivoisée se mettent en chanter. Et voici donc Fred dans le rôle de Petruchio. Il est amoureux de Kate, mais elle est farouche, elle n'accepte pas le mariage. Ça ne l'empêche pas de chanter les louanges de Mademoiselle dans une chanson intitulée Where's in that special face. C'est du Shakespeare. Thine that special face, the face which fills my dreaming. Were thine the rhythm grace, were thine the form so lithe and slender, were thine the arm so warm, so the kiss divine, were thine the love for me, the love which fills my dreaming, when all these charms are gone, then you'll be mine. Classic style. I wrote it with my tongue in my cheek and my lips in a smile. But of late my poem has a meaning so new. For to my surprise, it suddenly applies to my darling. Were thine that special face, a face which fills my dreaming, were thine the rhythm grace, were thine the form so lithe and slender, were thine the arm so warm, so thine the kiss divine, were thine the love for me, the love which fills my dreaming, when all these charms David Pitzinger, Where's That Special Face, une des chansons qu'on retrouvera au Théâtre du Châtelet à partir de mercredi dans Kiss Me Kate de Cole Porter. C'est vrai que vous avez étudié à Yale comme Cole Porter, David Pitzinger? Oui, c'est vrai. La même avec David Charles Abel. Le directeur musical. Oui. Et alors, c'est quelqu'un de vénéré à l'université de Yale, Cole Porter, encore aujourd'hui? Oui. Still today. Yes, still very toujours, much oui. So. Oui, bien very évidemment. So. Oui. Comment se passent les répétitions? Tout à l'heure, Christine Buffle nous disait qu'elle avait des bleus. C'est violent? Il y a des cascades? C'est très physical. For example, pour vous donner un exemple. There's a wooing scene. Alors, il y a une scène où, end of the first act. Dans le premier acte. And, She reads a note. Alors, elle lit une note that was in some flowers qui était insérée dans des fleurs qu'elle pensait lui être destinées, mais qu'en fait j'ai envoyées à Lois. Et elles sont interceptées so par Hattie. Et elle lit la petite note. Over into the scene, et donc on reprend cela sur scène bit, parce que, comment vous dire, il y a une sorte de querelle et on devient un peu violent. But as Lily et c'est au moment de la représentation de Shakespeare. Donc, elle est bien évidemment très fâchée contre Fred, mais en même temps, elle joue son rôle dans la pièce, voyez. And so it gets, donc very cela devient assez intéressant et même plutôt violent. A lot of slapping. Il y a beaucoup de baves. Avec des effets spéciaux musicaux, quand j'étais aux répétitions, David Charles Abel et Lee Blakely étaient en train de choisir les instruments pour une bave, pour une baigne. Yes, it's not slapstick. It's alors, sort of c'est pas, vous savez, une comédie burlesque. C'est vraiment une comédie où on joue avec ces effets musicaux. Et je crois que c'est la différence qu'on arrive à comprendre. C'est-à-dire, on arrive comme ça à faire la différence entre ce qui est en coulisses, ce qui se passe en coulisses, et ce qui se passe sur scène, ce qui est de Shakespeare. Kiss Me Kate a donc été créé à Broadway en 1948, et puis il a été adapté au cinéma en 1953. Et vous savez, dès qu'on adapte au cinéma des comédies musicales, il y a des chansons qui sont supprimées, ou alors on donne à d'autres personnages des chansons. Il y en a une, notamment, qui s'intitule Too Darn Hot, qui est normalement interprétée pendant la pause, au début du second acte, par les techniciens. Mais dans la comédie musicale, dans le film, en 1953, on avait décidé que ça serait Anne Miller, une des actrices, qui chanterait cette chanson. D'où un superbe numéro de jambes et de claquettes de Anne Miller sur cette chanson. Tout and hot, il paraît qu'elle faisait 500 claquettes à la minute. C'est une inspiration pour vous, Alan Burkett, Anne Miller? Do you know, the other day, I was on YouTube. Il y a peu de temps, je suis allée sur YouTube. Je sais qui c'est, bien sûr. Et j'adore la regarder. Because she's tall et je suis allée la voir parce que gangly like me. Elle est grande et maigre comme moi, voyez-vous. She's et lancée, just, hein. Oh, et j'adore cette façon de bouger. Oh, elle prend tellement de pauses, j'adore. Anne Miller, c'est à vous. OK, go boys, go. Go. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. Crazy, man. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. But I ain't up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot. Yeah. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to coo with my baby tonight. And pitch the woo with my baby tonight. I'd like to coo with my baby tonight and pitch the woo with my baby tonight. But sister, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. It's too darn hot. According to the latest report, every average girl you know much prefers her lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Atom, for his matum, is not. 'Cause it's too, too, too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. Cool. Well, do it. Real nervous. Make me know it. wonderful. Et comment elle était, à votre avis, Alan Burkitt, Anne Miller? Vous croyez qu'elle faisait du 500 claquettes à la minute, vraiment? Yeah, she's incredible. Non, elle est tout à fait incroyable. Saying that she's just in a league of her own. Qu'elle est vraiment, elle est à part, je veux dire, elle est au-dessus de tout le monde, hein, au niveau des claquettes. Alan Burkitt, je veux bien que vous retourniez au micro, mais je vous promets, je ne vous demande pas de danser là cette fois-ci. Merci d'être avec nous ce matin sur la 42e rue de France Musique. Retour sur le plateau du live avec une chanson qui swing, c'est du pur Cole Porter avec ce qu'il faut de sous-entendu. Bianca, donc Lois, qui fait la leçon à celui qu'elle aime, Bill. La chanson s'intitule « Why Can't You Behave ?» Francesca Jackson, Alan Burkitt. Vous ne l'avez pas vu, mais tout se terminait par un baiser. Merci Alan Burkitt, merci Francesca Jackson, merci David Pitzinger, merci Jasmine Roy et puis Charlotte Gauthier au piano. On vous retrouve à partir de mercredi dans Kiss Me Kate au Théâtre du Châtelet pour 10 représentations sous la direction musicale de David Charles Abel. Vous pouvez podcaster cette émission et vous pouvez aussi la regarder. Il y a plusieurs vidéos qui ont été filmées par les équipes vidéo de France Musique et Jean-Michel Després. Vous allez sur francemusique.fr et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain cabaret 42e rue. Ça sera déjà la semaine prochaine. Nous serons en direct au Salon Musicora à Paris, à la Grande Halle de la Villette, et nous recevons trois troupes de comédie musicale. Isabelle Georges et Frédéric Steenbrick pour un spectacle autour de Maury Easton, les chanteurs de l'atelier de l'ensemble Opéra Fuoco de David Stern qui nous interpréteront plusieurs extraits de Candide, et puis la troupe de Bon Baiser de Broadway, une comédie musicale créée par Alissa Landry. Pas besoin de réserver, on vous retrouve en direct directement là-bas à la Grande Halle de la Villette dimanche prochain à 11h. Plus d'infos, comme toujours, sur francemusique.fr. Charlotte, c'est à vous. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Moni. À la traduction, merci à Paloma Goulemo, à la prise de son, Philippe Bredin, Stéphane Touvenin, Julien Calva, chargé de réalisation, Perrine Mingui. Très bon dimanche à France Musique.